Oh, les gars, j'ai une idée. Voilà, bon, bah ça y est, je suis pas serein, parce que dès que t'as une idée, ça part n'importe où. Non, tu vas voir. Et si on organisait le concours du mec le plus classe du monde? Non, mais je peux pas, j'ai autre chose de prévu déjà. Ah bon, et c'est quoi? Bah, on va manger des chips, t'entends? Des chips. Yep. Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Bah, c'est pour dire yep, quoi. Ah bah, c'est pas banal, ça. Ah bah c'est tout l'effet que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Non mais vraiment, pas de soucis, hein. Continue à être con. Hein. Pour ton idée, par contre, tu veux que ça soit qui le mec le plus classe du monde? Alain Souchon? Oh non, pas lui. Quoi? Bah, c'est un bon chanteur pourtant. Et il y a un quelque chose qui le rend assez classe. Ah, je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. En plus, Souchon, je pense qu'il a pas plus de classe que de beurre au cul. Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Oui, bon bah sinon on fait un culturisme, hein. Vous avez l'air bien chaud là du coup. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 105e émission de Culturims, le podcast de la culture avec un gros cul. Si vous entendez ma voix, cela veut dire que le coup d'État a foiré, hein, totalement. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi, j'étais pas au courant. Le coup d'État, il suffit d'écouter les émissions précédentes, les enfants, écoutez. Bah, c'est ce que j'ai fait et Flony et Thomas, ils nous ont rien dit, du coup, ça va plus poursuivre, quoi. Eh ben voilà, un putsch, ça se fait avec une équipe, un minimum. Et on ce a fait soir... la pub de la MAF, en fait. C'est ça. Et ce soir, l'équipe est donc composée de Thomas. Salut Thomas, ça va? Ça va. Ouais, au fond de la gamelle, un peu. Hein. Un peu au fond du saut. Ah, ça, t'étais pas loin, vraiment. Ah, si proche, hein. Si proche du but. Ah, peut-être la semaine prochaine, qui sait? J'espère. Ah. Croisons les doigts, comme disent les Américains. Ils ne disent jamais ça, hein, parce que déjà ils le disent en anglais. Johanna, give me hope. Si, seigneur. Oui, bah ça va. Et multiculturalité, ok. Je suis aussi avec Banzied, que vous avez entendu tout à l'heure. Salut Banzied. Salut. Merci Banzied. Eh bien, nous allons parler de la moustache de Seb, puisqu'il est aussi avec nous. Il y aura des procès, c'est pas grave. Elle est magnifique, cette petite moustache. Elle est magnifique, cette petite moustache. On dirait que tu as mis un an à la faire pousser, et pourtant, il n'y a rien. Voilà. Et je vais quand même la garder pendant un mois. On vous mettra bien évidemment aucune photo sur les réseaux sociaux parce que bah voilà, à un moment donné, il faut peut-être arrêter. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Puis, oui, puis, voilà déjà. Vous pouvez aller voir mon profil puisque c'est quand même pour le Movember. Il y en a pas un qui devait être à poil pour. Attends. Un qui devait Cédric être à Cédric poil. Devait pas être. Non, bah, pas du tout. Il n'y avait pas à Paris comme ça. Oui, bon, on en parlera en off si tu veux. Voilà, parce que je pense pas que ce soit le sujet de l'émission. Je pense que ça peut intéresser les auditrices. Ça peut intéresser les auditrices. Voilà, donc on va passer plutôt à la chronique, je pense, qui d'ailleurs est faite par toi, ou alors ça veut dire que tu ne l'as pas préparée, j'en sais rien. Merde. Donc aujourd'hui, Banzied va nous parler de la classe américaine. Et la minute du cul sera présentée par Sébastien cette semaine. Oui. Et nous terminerons, bien évidemment, on sait que c'est toi, Sébastien. Et nous terminerons bien évidemment, vous le savez, par le conseil de classe. Mais commençons tout de suite par la classe américaine, mes petits potes. Et puis je vous rappelle la principale information de cette édition, la disparition subite de George Abbott Ball, qui depuis plus de 15 ans portait officiellement le titre de l'homme le plus classe du monde. L'Amérique vient de perdre un de ses plus prestigieux ambassadeurs. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Alors, comme vous l'avez compris, La classe américaine est un film qui débute avec la mort d'un certain George Abbott Ball, joué par John Wayne, en mer pendant une tempête, alors qu'il était actuellement élu l'homme le plus classe du monde. Alors, les journalistes Dave, joué par Paul Newman, et Peter, joué par Dustin Hoffman, et Steven, Robert Redford, sont chargés de sa nécrologie par leur patron. De plus, pour améliorer leur article, ils décident d'enquêter auprès des gens qui l'ont connu pour connaître la signification de ses dernières paroles à Abbott Ball. Monde de merde. Voilà pour le résumé. Donc messieurs, on s'attaque à un monument du cinéma français qui n'est pas connu. Un monument du cinéma français qui n'est pas sorti au cinéma, il me semble. Oui, voilà, on va dire. Déjà, donc déjà. un monument télévisuel français. Oui, là, d'accord. C'est con, hein. C'était quand même con de foirer sa chronique à la deuxième phrase. Hein. C'est... Et c'était pour voir si vous étiez au taquet, messieurs. C'est un monument du cinéma parce que après sa sortie, il est sorti bien évidemment. Sur grand écran, mais on peut aussi dire effectivement que, des festivals, que c'est un monument du cinéma puisqu'il regroupe, enfin. Beaucoup d'images d'archives de plein de films quand même assez vénères d'une époque assez sympa niveau acting aux États-Unis quoi. Donc ce film a été réalisé par Azanavicius et Dominique Messeret. Et vous vous demandez comment Azanavicius et Messeret ont pu avoir de tels acteurs? Comment c'est possible, Banzienne? Mais dis donc, mais comment tu vas nous le dire? Quel est son secret? John Wayne, alors, qui a pu avoir John Wayne? La troisième va vous surprendre. C'est parce qu'en réalité, ils ne les ont pas eus. Flo a spoilé. En fait, c'est des images d'archives, c'est des images d'archives de plusieurs films. En 1993, la célèbre société de production Warner Bros. Fête ses 70 ans. Pour cette occasion, Canal+ demande une autorisation pour utiliser des extraits de plusieurs films. Ils ont tout un catalogue afin de créer un montage en hommage à la compagnie. Canal+ va voir Azanavicius et Messeret, leur disant « On a le catalogue de la Warner, vous pouvez faire entre guillemets ce que vous voulez, c'est pour que le film sorte en salle. » Ce qui ne sera finalement pas le cas. Hein. Et en plus, l'utilisation des extraits sont au départ prévus pour faire un documentaire sur le centenaire du cinéma. Donc c'est au départ un film qui sort en salle pour finir à documentaire pour une diffusion sur Canal+. Donc Azanavicius et Messeret, ils décident d'en faire un détournement, ce qui en fera leur troisième après Derrick contre Superman. Et ça détourne l'émission de sa cartoon avec les Looney Tunes. Et là la question, messieurs, c'est quoi un détournement? Mais qu'est-ce que c'est un détournement? Mais qu'est-ce que c'est? Un pastiche. Mais quid du détournement? Quid game? J'ai envie. Oh là là, pitié. Saison 2. De l'émission en 4. Donc, tout simplement, on refait le son, le montage, les dialogues, afin d'en faire une parodie plutôt burlesque, graveleux. Durandal en a fait, Mosinor aussi est bien connu. Si hein, vous écoute. De la boîte à rire de Gérard Lambert. Vous en trouverez plein sur YouTube. Et donc, pour la classe américaine, ils décident de mélanger 49 films partageant les mêmes acteurs et qui seront doublés par leurs comédiens officiels de l'époque. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort, par contre. Très fort. J'avoue. Évidemment, les mecs, les doubleurs, ils ont fait ça avec évidemment beaucoup de plaisir. Parce que quand tu fais dire des conneries à des grands acteurs, c'est toujours énorme. Et ils ont tout remonté en s'inspirant du film Citizen Kane d'Orson Welles, avec l'aide de flashbacks pour créer une trame à l'histoire. Rosebud. Et là, il y a une petite prouesse technique, car tous les films, ils sont pas forcément au même format, le même grain d'image, etc. Ils ont donc tout uniformisé, format des images, faire attention à l'environnement, incliner les plans de caméra, changer les champs contre champs, etc. pour qu'il y ait un dialogue entre des acteurs qui soient pas dans le même, qui sont pas dans le même film. Bien sûr, bien sûr. Il y a des images qui sont loupées aussi de temps en temps. Tu sais, ils les mettent en boucle pour que ça fasse oui. L'image est rembobinée à l'envers pour que ça fasse un bon mouvement. Mais c'est évidemment grâce à l'humour absurde du film que tout ça marche et qu'on fait moins attention à la logique. Les réalisateurs, ils ont regardé les images, ils ont juste enlevé le son, et puis ils disaient, ils imaginaient et notaient différentes conneries qui leur venaient en tête. Genre, comme certains ont pu faire, complètement bourré, t'éteins la télé, t'imagines les dialogues. Alors, t'éteins la télé, c'est juste hyper compliqué. T'éteins le son, excusez-moi. Fin de journée, c'est compliqué. J'ai des petits bonhommes. Mettent tout ça à plat et là ils imaginent l'histoire. Ils choisissent ils choisissent les personnages principaux et ensuite ils regardent les films dans lesquels ils jouent pour faire le montage. Et au final, qu'est-ce que ça donne, vous me direz? Eh ben, on en reparle après la minute du cul. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Ouais, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Vas-y, active la minute du cul en rotant. Alors, moi ce soir, je vous propose de faire un petit peu quelque chose qu'on a déjà fait certes, mais il y a longtemps. C'est-à-dire qu'on va continuer sur le cinéma avec des petites anecdotes à picorer. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Donc, derrière certains films cultes, il y a quand même des secrets de tournage. Le saviez-tu? Un petit le saviez-tu alors secret là, de tournage. J'ai peur. Brad Pitt mange tout le temps pendant ses dialogues. Il va essayer de nous la faire à l'envers. Essayez pas de nous embobiner, il va vous rembobiner. De toute façon, si vous trouvez pas au moins une des bonnes réponses, vous êtes viré de l'émission. Oui, je sais, c'est pas la mienne, mais voilà. Lui, il va me prendre la Je vais vite chercher une tondeuse, et ce sera les cheveux, là. Laisse directement. Les cheveux tranquilles. Ah. Julien m'a déjà loupé il y a un mois, ok ? Là, ça pousse. Ah oui, ça se voit. Oui, voilà, allez. C'est ça. Alors, on va commencer par « Dans Charlie et la chocolaterie ». Donc il y a un des passages qui est quand même relativement marquant dans le film, c'est celui où les visiteurs découvrent que... La première version ou la deuxième avec Tim Burton ? Aucune des deux. Non, la deuxième. D'accord. Oh merde ! C'est la seule que je... Il fallait que je réfléchisse. Donc il y a un des passages qui est quand même marquant, c'est celui où on découvre que ce sont de véritables écureuils qui s'occupent de trier les noisettes pour confectionner les meilleures friandises possibles. Derrière cette scène... Il y a quelque chose de dingue. Mais quoi ? Je crois que je l'avais lu quelque part. Bah c'est des vrais écureuils qu'on c'est des vrais écureuils. Exactement, justement. Ce sont des vrais écureuils qui ont été dressés. Non, c'est pas si, si c'est des vrais écureuils qui ont été dressés. Thomas a raison. C'est ça. Bien évidemment. C'est exactement ça. Le mec s'est dit les effets spéciaux c'est chiant. C'est donc, pour les branleurs. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en dresser 40 et ils vont faire du triage de noisettes. Bah sauf quand ils foutent la petite dans la machine là, c'est non, on te dit que c'est des vrais. Ils sont dressés. Ils sont dressés pour tuer les petites filles. Alors voilà. Dans le genre réalisme aussi. Des écureuils. Écureuils qui deviennent cannibales. C'est ça. Écureuil holocauste. Le tournage qui tourne mal. Vous voulez une blague sur les écureuils ? Allez, la deuxième. Mais Dans Django. Il se passe quelque chose avec DiCaprio qui est quand même assez fort. Mais quoi ? Ah oui, ça oui. Moi je l'ai. Il casse le verre dans sa main. Voilà. Casse le verre dans sa main et il s'est vraiment entaillé la main. Et lui, il continue surtout de jouer. Ah, parce que le gars, il pisse le sang, mais non, c'est bon, on va la faire, les gars. Rien à foutre, vas-y. Rien à foutre, c'est pas tes pieds. Vas-y. Bon, encore une ? Oui. Vas-y. Mais celle-là, elle est rapide. C'est surtout que Tarantino va encore plus loin et lui dit putain, le sang c'est énorme. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là à ce moment-là, c'est du faux sang. Il dit tu vas étaler ton sang sur le visage de la meuf. Wow, okay. Ça, je savais pas, tu vois. Alors, Quentin, du coup, je te prends rendez-vous chez le psy demain 8h, hein, parce que c'est chaud quand même là. Vraiment. Si, du coup, ouais, c'était pas scénarisé ce moment, il étale sa main pleine de sang sur. Ça, je savais pas. L'actrice, et bah, c'est. Oh, bloc. Ah, j'aurais du bloc après aussi. Bon, sinon, donc, j'en ai une autre. Elle est rapide et furieuse. Comme vous le savez tous, on a tous déjà vu sur Il va bouliner, c'est pour la famille. On a tous vu un film de la saga Fast and Furious. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a deux personnages. Quand ils ont commencé à tourner, ils n'avaient pas le permis. Oh, il y avait Lil Bobo parce qu'il avait 14 ans. Non. Dans le 3. Non, il y a Michelle Rodriguez et Jordana Brewster, Mia. D'accord, donc en fait c'est hyper rapide comme jeu. Attends, Mia c'est laquelle c'est la Mia sœur c'est la sœur de Vin Diesel. Vin Diesel, d'accord. D'accord. Et le premier c'est qui tu disais ? Michelle Rodriguez. Ah bon ? Ouais. C'est celle qui a plus de couilles que nous. C'est ça. C'est Micheline, je bute des zombies par paquet de vin. Tu la vois, tu fais oui madame. Ou monsieur. Qui boit sa bière avec plus de poigne que l'intégralité des hommes. De la saga. Tous les maçons sont un PLS devant elle, je pense. Et bah, continuons sur le féminisme, hein. Ok, très bien. Bon, allez, j'en ai une glauque. Allez. Dans un film d'horreur, parfois le manque de budget peut emporter quelque chose d'horrible. Mais quoi ? C'est dans Poltergeist. Le manque de budget peut quoi ? Peut emporter quelque chose de franchement horrible. Du coup. La vie ? Non. Il y a eu des morts ? Oui, mais c'est pas ça que je vais aborder. Poltergeist, il y a pas mal d'accidents, un truc comme ça. Ouais. C'était. Bah, oh, il n'y a pas eu que celui-là, il y a eu l'exorciste aussi, il me semble. Enfin, bon. Tentative de suicide ? Non. Okay. En fait, il y a une scène dans le film où à un moment, l'actrice principale, elle est dans une piscine, et sous la pluie, et il y a des squelettes qui remontent de la piscine. Bonne ambiance. Le déjà, truc, on est sur un bon délire. Ils n'avaient pas le budget pour les fabriquer, du coup, ils en ont pris des vrais. Ah, c'est gros. Voilà. Manque de budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire vrais, demande à la fac. Ils ont peut-être des trucs à la morgue. C'est chaud. Tandis que je savais pas qu'un squelette flottait, du coup. Oui, bah voilà. Mais maintenant, on le sait. Voilà. Là, maintenant, donc, voilà. On sait comment on a repêché le petit gris. Allez. Là, voilà. Ça faisait longtemps. Bon, en dehors du tournage, pour le coup. Miyazaki, ça vous parle ? Oui, un petit peu. À une époque, il voulait justement chercher à diffuser son film Princesse Mononoké à l'international. Et pour ça, il s'est associé à la société Miramax. Et à l'époque, elle était dirigée par Harvey Weinstein. Ah oui. Et en fait, avant de le connaître pour ses petites histoires de zob, il était surtout surnommé Harvey aux mains d'argent, parce qu'il était connu pour couper, recouper, monter et remonter les films de ses clients. Et en fait, il a voulu faire ça sur Princesse Mononoké. Ils se sont rencontrés avec Miyazaki, et voyant que ça n'a pas marché... Il a fait un wasari. Il a fait quelque chose qui a fait que, bizarrement, son film, on n'y a pas touché. Et bah, il lui a mis bien profond. Il a baissé le froc de Weinstein et bam, bam, bam. Wow, wow, wow, wow. Là, là. Non, pas du tout. Il a menacé de le détruire. Bah, comment tu peux menacer Weinstein? Non, mais il y a de la menace. Il y a de la menace, mais franchement, la classe. Vas-y. En fait, comme il a vu que l'entretien n'avait pas fonctionné, quelques jours plus tard, il lui a fait livrer chez lui un sabre avec un petit mot qui disait « pas de coupure ». Oh, oh. juste le petit coup de pression, quoi. Voilà. Le petit chaud-froid. Il vaut combien le sabre, maintenant? En parlant d'Harvey Weinstein, ça c'est aussi un petit secret de tournage. Est-ce que t'as un truc avec le Seigneur des Anneaux ou pas? Non. Parce que Peter Jackson, il y a un des orques du Seigneur des Anneaux. Ah oui. Il l'a fait oui. pour qu'il soit modelé sur la tête d'Harvey Weinstein. Et c'est vrai que c'est quand même assez ressemblant. Le général dans le 3, là. Oui, ça doit être ça. Et j'ai fait, wow, ok, d'accord. C'est plutôt pas mal, ça. Petit clin d'œil, salut copain. Petit clin d'œil, et t'as vu le violeur? Ouais, une plus fun, du coup, pour calmer le jeu. Oui, s'il te plaît, oui. Ouais, parce que là, des squelettes, des sables, des machins, ça... Ah, moi, j'aime bien. Vous vous souvenez tous aussi que Pierce Brosnan a incarné 007. Si, senior. Alberi. Il y avait une petite clause dans son contrat, pendant ses années de tournage. Je la connais. Je connais cette clause. Et ce n'est pas Glenn. Il était obligé d'utiliser que des gadgets complètement claqués au sol. Non. Oh, allez, arrête. Moi, je l'avoue, ça montre laser. C'est la meilleure partie des films. Du coup, il se baladait toujours avec un truc de pèse et tout. Ah, c'est chiant. Il était obligé de jouer dans Mamma Mia. C'est une très bonne comédie musicale. C'est une très bonne comédie musicale. Non, du coup, vous savez pas. Moi, j'en ai aucune idée. En fait, ça porte sur les vêtements. Dans sa clause, il n'avait pas le droit de jouer en costard parce que sinon, il était dans d'autres films parce que sinon, il était trop assimilé à James Bond. C'est ça. Ah ouais. Ouais. Juste le costard pour un James Bond interdit. Ah oui. Interdit de mettre un costard à part dans James Bond parce que sinon, t'es trop assimilé à James Bond et du coup, les gens ont l'impression de voir un film James Bond. Donc voilà, c'était ça. Vu que les gens sont un peu teubés. Oui, ne l'oublions pas, les spectateurs sont cons. Les gens sont cons, mais il ne faut pas le dire qu'ils le sont. Oui. Oui, mais pas nos auditeurs. Voilà. Non, nos auditeurs sont les meilleurs. J'en ai une dernière pour la Allez, une petite dernière. Titanic. C'est Céline Dion. Non, bah oui, effectivement, c'est... Il y avait de la place? Non, si tu me dis qu'il y avait de la place, je te crois non, pas. Non, je suis pas sur la place sur la planchette. Je vais prendre le sabre. Je vais chez Harvey, je prends le sabre et je fais des choses. En dehors du fait qu'il y ait certaines scènes qui sont cultes, qu'il y ait la chanson de Céline Dion, il y a une chose en fait qui est impressionnante au niveau du travail et du détail sur son film, c'est la durée. En fait, le film fait 2h40 et c'est exactement le temps. C'est exactement la durée où le bateau Titanic a mis pour couler. Il l'a, il l'a. Bien, bon, bien, bien. On va tous rester dans l'émission du coup. Bien joué. Eh bien, merci en Seb. En tout cas, merci Seb parce que Dieu sait à quel point les anecdotes à Picouret me manquent et le fait de m'en donner un petit peu comme ça, ça me. C'est vrai que là, j'en ai eu un petit peu l'estomac noué, tu vois. J'étais. Je suis bien là, je suis dans mon cocon, dans ma zone de confort. Et il n'a pas jingle. Merci. Mais tu te calmes, j'ai le droit de finir de... Hein. Merci Seb. Nous allons passer à la deuxième partie de la chronique après ce jingle. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire. Moi je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre. Style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi les ménagères, non? C'est pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. J'en ai pour plus d'une barre de fingue sur moi. Alors va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail, devant l'indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Tu peux rester. Pas de problème. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Monde de merde. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le but d'un détournement d'une œuvre, c'est d'en faire une version parodique et comique et où les personnages disent principalement des conneries. C'est leur troisième détournement, après donc Derrick contre Superman. Est-ce que vous l'avez vu? Non, mais ça a l'air d'être un super film. Oui, je l'ai vu, Derrick contre Superman. Ah bah non, je suis super désolé. Mais pas à la hauteur du grand détournement, je trouve. Pas à la hauteur du grand détournement, mais après, le grand détournement, c'est leur troisième prod. Donc voilà, vraiment, on voit déjà des petits trucs Notamment la scène avec Navarro que je trouve juste exceptionnelle. Oui, évidemment. mais c'est vrai que c'est vraiment en dessous du grand détournement. Et après, voilà, ça dure aussi qu'un quart d'heure. Voilà. Ah, donc, je peux regarder ça en rentrant. Oui, bah oui, oui. Bien sûr. Et ensuite, donc, vient Ça détourne, l'émission de Ça cartoon oui. sur Canal Plus avec les Looney Tunes. On va l'avoir avec les mineurs. Les deux présentateurs. Comment ? Non, rien. je comprends. Les deux présentateurs jouent au jeu. Oui, avec Philippe Dana et Valérie Payet. Pareil, j'ai commencé à le regarder, je l'ai pas terminé parce que, enfin, autant t'as des grands acteurs, machin, enfin, les doubleurs, je pense pas que ce soit tous les doubleurs officiels font les cons, mais Philippe Dana et Valérie Payet, tu te dis, mais c'est deux teubés en fait. Eh ben, toi, eh ben, c'est celui qui dit qui est, ben, moi j'en connais toujours plus un que toi. Ouais, d'accord, super. Donc, merci, merci. Ouais, mais, c'est Canal Plus, il y a des hauts et des bas, tu vois. Ouais, mais pourtant Philippe Dana normalement intouchable, hein, ça cartoon le dimanche soir, intouchable. Moi quand j'étais petit, le seul moment où Canal Plus était en clair. Allez hop. Donc évidemment en troisième, La Classe américaine, messieurs, vous l'avez tous vu. Oui. Oui. Sébastien. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, je l'ai vu aujourd'hui. Alors. Comme Sébastien, c'est celui qui est plus frais. Parce qu'il est disponible sur YouTube. Je tiens juste à le préciser, il est disponible sur YouTube gratuitement en assez bonne qualité. Eh bien, je te prends la balle marque le but. C'est ce qu'on appelle une passe D. Donc Sébastien, qu'en as-tu pensé, s'il te plaît ? Alors, objectivement, c'est drôle, mais c'est long. Même si ça dure que 1h10 ou 1h12, j'ai trouvé qu'on était vraiment que sur du gag tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bien monté, c'est drôle, mais par moments c'est trop. Je trouve qu'il y a quand même des longueurs, j'ai pas réussi à... Tu vois, j'ai dû faire des pauses, bon... Non, je peux pas dire ça. Mais tu te démerdes, ce sera pas coupé. Disons que voilà, ça reste un truc qui se regarde, effectivement, c'est sympa, il y a plein de références, il y a de la culture. Moi, j'ai plein de potes qui m'ont fait des petites tirades du film, en fait, que je connaissais pas. Et là, je revois le contexte. Tu les sortais, mais toi, tu voyais pas, quoi. T'avais voilà, pas c'est ça. Et franchement, si, ça vaut le coup d'être vu, mais voilà, faut se dire, tu poses ton cerveau et tu prends ton 1h10 pour regarder ça, quoi. Plutôt d'accord. En fait, moi-même, j'ai dû m'y mettre à deux fois parce que la première fois, j'étais pompette. Ah ! Du coup, je suivais pas tout le film, mais... Le CSA en sueur depuis que Banziette fait cette émission. C'est ça. Punchline me faisait marrer, mais ouais, j'ai dû me reprendre à deux fois si je voulais comprendre l'histoire et comment la trame de l'histoire, quoi. Florent. Attends, il y avait une histoire. Oui, oui, il y a une histoire. Après, c'est vrai que ça peut paraître un peu long parce qu'effectivement, c'est du gag, du gag, du gag. Et effectivement, au niveau de l'histoire, bah, tu commences limite à la fin et en fait, c'est du flashback surtout. Oui, voilà. C'est du flashback de ce que la personne a vécu, etc. pour essayer de trouver pourquoi elle a dit monde de merde. Comme dans Mais franchement, ça... Enfin, moi, ça, à chaque fois, ça tape dans le mille avec moi. Chaque réplique, peut-être pas toutes les répliques non plus, mais chaque réplique un peu culte, un peu connue, machin. Mais je rigolais comme un gros débile. Ouais, c'est vrai, il dit ça. Et pourtant, bah, dans le contexte, quand tu dis juste « on va manger des chips », c'est pas hyper drôle. Mais quand tu le vois dit par un Indien assez baraque... à un autre gars qui n'a rien à voir. Donc là, on va manger des chips. Tu fais quoi ? Ils voyaient juste les lèvres bouger. Ils se sont dit, bah, des chips, voilà. Oui, bah parce que le travail de synchro, je le trouve aussi assez exceptionnel quand même. Ça, je suis d'accord. Enfin, là, on est quand même sur une grosse perf. Hein. Thomas ? Bah moi, je suis pas du tout objectif parce que moi déjà, c'est mon père qui m'a, comme la plupart de mes films, mis là-dedans alors que j'avais, je pense, à peine 10 ans, donc je l'avais déjà vu. 10 ans. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Et donc j'ai même pas revu le film pour la chronique tellement je l'ai vu plein de fois, mais je me suis refait un petit best-of de 15 minutes des meilleurs punchlines. Et pour moi, enfin c'est monstrueux. Je suis d'accord avec Flo, le travail de doublage et de précision sur le mouvement des lèvres, je trouve ça exceptionnel. Les dialogues, je trouve qu'ils sont lumineux parce que j'imagine le travail colossal que ça a été derrière de regarder tous les films pour trouver les bonnes séquences, pour trouver une logique avec les acteurs, etc. Moi, je trouve que c'est une idée incroyable qui a été réussie de manière exceptionnel. Je regrette même parfois qu'il y ait pas, qu'ils essayent pas d'en refaire un pour qu'on puisse essayer de rire à nouveau sur des films peut-être plus récents. Mais moi, je suis complètement spectateur et fan de ce genre de choses parce que je trouve ça excellent, je trouve ça mourir de rire. Et en fait, le contraste avec des John Wayne, avec tout ce genre d'acteurs-là que je trouve phénoménal parce que tu casses complètement leur image qui est quasiment intouchable aux États-Unis. Moi, je trouve ça très drôle de la part de Canal d'avoir fait ça et moi, j'aime beaucoup et je le recommande justement parce que c'est un film qui est connu peut-être pas par les dernières générations et c'est vrai que quand tu commences à avoir un sens de l'humour un peu développé, je sens que c'est quand même une belle pépite. On veut ou non, il y a des répliques cultes. Ouais, et justement, je voulais revenir sur ça. Je l'ai revu dans le contexte de 2020, parce que on remet en contexte, c'est sorti début des années 90. Pour moi, même en 2020, ça passe encore. Enfin, il y a certains trucs qui sont un petit peu border, c'est je trouve. C'est pas parce qu'on est deux cow-boys qui vivent sous une tente qu'on est DPD. Hein. Brokeback Mountain. Oui, non, mais en dehors de ça, il y a des trucs qui sont effectivement peut-être un petit peu border pour 2020, mais je trouve que c'est de l'humour qui passe encore à l'époque. Je trouve que c'est fort parce que faire un truc au départ. Un petit truc à la con, tu reprends des images de films des années 70, 80, etc. pour en faire un truc où certaines vannes sont limite intemporelles, tu fais tour de force quand même. Complètement. Donc évidemment, dans le film, tous les personnages s'insultent les uns les autres, s'incrustent des effets sonores comme des pets. Tout le monde est con hein, là-dedans, globalement partait de ce principe-là. Hein. Pour changer le ton ou le dialogue, ça incruste aussi des effets visuels pour le scénario comme Orson Welles qui vient carrément interrompre le film. Ça c'était magique. Pour vous donner le fond de sa pensée. Ça s'adapte à ce qui se passe à l'écran ou à la forme des lèvres, ça dit des grossièretés de maternelle, bref, c'est drôle quoi. Mais certes. En fait, oui, c'est ça. Désolé, je te coupe, Banzienne, mais les vannes, il n'y a pas de grosses vannes qui sont très choquantes en fait. Il n'y a pas de. Ils vont pas loin, ils vont juste dans l'insulte basse étage en fait, et c'est ça qui est drôle quoi. Quand le gars lui dit. Envoie-moi un fax. Et que le mec lui demande un truc, il dit va te faire foutre, et le gars il dit ok, j'y vais. Et le mec sort du plan alors que tu sais que le film n'a aucun. Enfin, les images réelles n'ont aucun rapport avec ça, et je trouve ça. Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Voilà, je savais qu'on en parlerait de cette scène. Attendez, vous oubliez votre encyclopédie. Oui, votre Larousse. Mais donc certes, il faut savoir apprécier ce genre d'humour un peu débile, on va pas se mentir, surtout pendant 1h20, quoi, parce que 1h10, parce que donc c'est que ça. Mais c'est drôle. C'est que ça, il y a un petit fil conducteur, mais enfin vraiment pour moi, c'est pas le gros truc de ce film, c'est vraiment les répliques. Bah, comme les répliques, ça claque, machin, les répliques, le montage quoi. Les répliques, le montage, mais l'histoire elle passe au second plan. Hein. Comme le dit Azanavicius, donc il y a pas vraiment d'histoire, c'est surtout des vannes et des punchlines que les personnages s'envoient et que les spectateurs peuvent ressortir à leur tour, à l'image de certains fans de Kaamelott. Quoi. Ouais, mais tu vois, ça, je pense qu'on pourrait pas le refaire aujourd'hui, à ce niveau-là, avec ce genre de vannes-là. Il y a des trucs, ça passerait pas. Justement, c'est ce que je disais. Il y a quelques trucs, effectivement, qui sont un peu border, mais pour moi, globalement. En vrai, sur YouTube, tu peux trouver pas mal de trucs. Par exemple, concernant les animés japonais, t'as Ritech sur YouTube. Oui. Ils prennent l'anime, mais au lieu d'en faire une parodie. Ils en font un résumé de l'histoire. Mais avec les fonds de pensée, les réalités, les logiques de certains scénarios. Et ils essaient, ils essaient d'avoir les doubleurs originels de la version française. Originaux, du coup. D'origine de la version française. Et en fait, c'est à mourir de rire. Regarde la version pour l'Attaque des Titans. Je me marre à chaque fois. Allez, encore une référence à une de ses anciennes émissions. Vous saviez que c'était l'une des plus écoutées. Voilà. Il est très fort. Évidemment, quand la Warner voit le résultat, ils sont pas très contents, quoi. Et le film, ça devient une rareté. Ça passe une fois sur Canal+, puis que dalle. Personne ne cherche à le vendre, il n'y a pas d'attaché de presse, pas de pub pour le faire connaître. Et comme il devient une rareté, avec ce petit côté secret interdit par Warner, ça participe au succès du film qui fait parler de lui petit à petit, mais surtout donc sur Internet. Et comme c'est le premier long métrage d'Anasibusius, il dira que la façon dont il l'a créé, créé le jeu, comment il l'a écrit, l'a monté, ça lui donnera par la suite sa manière de faire pour ses prochains films. Flim. Non, là c'est des films. Lui c'est un flim. Et concernant la classe américaine, il sera officiellement projeté sur grand écran en avril 2009, alors qu'il est sorti en 1993. Ouais. Petite vingtaine d'années presque. Voilà. Puis en juillet 2019. Mais avant ça, comme il n'est jamais sorti en VHS, ou en DVD. Il connaît une seconde jeunesse en 2008-2009 par des techniciens de studio qui sont fans et qui en font une version numérisée qu'ils font circuler sur Internet. Et c'est en 2011, à l'initiative d'un fan nommé Sam... Gamji. Sam Osvar, qu'un projet de restauration se met en place. Tout est remonté, avec des DVD de meilleure qualité des films utilisés pour le détournement, et le tout est mis sur Internet. Donc vous pouvez, comme l'a dit Florent, le trouver sur YouTube, gratuitement, et avec une qualité plutôt ça va, très correct, très correct. Hein, je confirme. Donc aujourd'hui encore, le film, eh ben, il n'est pas très connu, et les seuls qui le connaissent sont des fans d'Azanavicius ou de pop culture qui ont très longtemps traîné sur Internet. À ma connaissance, c'est surtout sur les réseaux que l'on trouve le plus souvent des répliques. Quand il y a une grosse connerie qui arrive sur la planète, t'as toujours une petite image sur les réseaux de George Abitbol qui dit « Monde de merde ». Monde de merde. Et d'ailleurs, pour les plus attentifs, notre propre générique, celui de Culturins, contient une petite référence à la classe américaine. Bien évidemment. Ah bon ? Bah, c'était obligé. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, Banzied, je crois qu'on a vu la même interview d'Azanavicius. Et Azanavicius disait d'ailleurs, en fait, le phénomène, c'est que c'est un peu des premiers films qui a été leaké, enfin, qui a fuité sur Internet, parce que ce film n'était visible que là. Et du coup, c'est un des rares films existants auquel on ne peut absolument pas définir le nombre de visionnages qu'il a eu. C'est-à-dire que forcément, vu qu'il a été vu sur Internet, sur maintes et maintes sites, on ne peut pas dire exactement combien de personnes l'ont vu. Mais ce que dit Azanavicius, c'est que pour autant, il y a un nombre incalculable de personnes qui connaissent quand même des répliques. Donc, est-ce qu'ils ont vu le film ou pas, on ne sait pas. Mais ce qui est fou, c'est quand même que ce film, il est culte sans être sorti au ciné, donc juste par l'Internet, quoi. Alors, je vous coupe deux secondes. Vous parlez de Azanavicius depuis tout à l'heure. On est bien d'accord que c'est Michel Azanavicius et pas Serge, son frère. Oui, non, c'est Michel, le réalisateur. Parce que Serge il a fait acteur, des voix. Et oui, il a fait quelques voix, avec notamment aussi Alain Chabat et Dominique Farrugia aussi, qu'on peut entendre très vite fait, mais on les entend. Et oui, Michel Azanavicius qui, derrière... Juste, il a fait quoi comme film, lui, derrière ? Un truc avec un espion, non ? Ah oui, les deux OSS, ouais, les deux premiers OSS, ouais. Moi, je suis pas fan, moi, de OSS. Il n'a pas fait un truc qui s'appelle The Artist aussi ? Un truc comme ça ? Ça n'a pas gagné des trucs, bah, ça ? Je sais pas, Jean Dujardin qui est en slip, là ? En noir et blanc, en plus. Hein. Je sais pas, mais c'est avec Jean Dujardin, en tout cas. un Oscar ? C'était camping. Ouais, c'est ça. C'est pas le même réalisateur. Ah merde, excuse-moi. C'est pas avec The Artist, c'est pas avec Claude Brasseur qui sert des putains de Ricard, non, c'est pas ça. Mais il a eu un Oscar, c'est ça, Jean Dujardin? Oui, bah enfin après ça va. Oh, tu fais un film sur un hommage aux États-Unis, ils vont te donner un Oscar, c'est facile, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine alors. Oui, on enregistre une nouvelle émission. Donc c'est évidemment un film que je vous conseille de voir au moins une fois, les amis. Et ah oui. Prenez plusieurs bonnes bières, avec modération. Installez-vous avec des amis. Et de base, tu parles de plusieurs. Donc, modération, tu l'oublies, quoi. Bah, si, quand même. Surtout, ne prenez pas la route après. Il est vraiment disponible de bonne qualité sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, régalez-vous. Ah oui, mais c'est clair. Ça dure 1h12, donc c'est quand même pas énorme. 1h12, 1h15, c'est pas énorme, mais c'est très, très, très drôle. Installez-vous avec des amis, lancez-le. Ne le prenez pas trop au sérieux. Et ben, on vous souhaite un bon divertissement, quoi. Bah, le prenez pas du tout au sérieux, parce que si vous le prenez vraiment au sérieux, on peut plus rien pour vous, les gars. Hein, c'est très triste. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut manger en regardant ce film? Des Wish Chips. On peut manger des Wish Lorraine. Vous voulez connu pourquoi vous faites du podcast, les gars? Vous le savez, vous? Pardon? Moi je fais du podcast pour être célèbre. Je veux niquer des gonzesses, les gars. Ah. Je savais pas où ils voulaient nous emmener. Oh, ça y est, franchement. Bon, j'en connais. Allez hop. Je note. Revisionnage de la classe américaine pour Florent. Matin, midi et soir pendant 3 jours. Allez, ça va être long. Voilà, c'est tout pour moi, les amis. Non, mais ouais, on peut. Je sais pas, on peut manger un petit plateau Tex-Mex, je pense. Tu vois, un petit truc comme ça. T'es bien un peu dans l'ambiance. Mais pas les ravioles, surtout pas. Non, mangez pas les ravioles, il y a un piège. Eh bien, merci monsieur Banzied, hein, pour cette chronique sur la classe américaine. Bien évidemment, excellent choix. Nous allons maintenant passer au traditionnel conseil de classe. Et nous allons commencer par Banzied. Tiens. Eh bien... J'ai encore du mal avec ce truc de conseil de classe, excuse-moi. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Eh bien, élève assidu, hein, oui. On est d'accord, mais devrait se concentrer. élève assidu. Il devrait se concentrer plus souvent en classe. Ok. Ouais, je mais du coup, bonne continuation. Bonne continuation, voilà. Et mettez des capotes. Il fallait parler du film, en fait, comme si... Bon, non, laisse tomber la métaphore et trop dur. La métaphore est trop dur. Beg et ça. Le mec, il a parlé d'Hermione Granger, sauf du film. 10 points pour Gryffondor. Allez, c'est parti. Excelsior. Ah non, excuse-moi. Non, ça c'est Stan Lee, paix à son âme. Seb, c'est à toi. Oh, moi je mettrais un 12, déjà. Oh la vache. Non, wow. Un 12. Allez, 13. Mais. Oh, wow, 13. Mais, non, mais je remonte. Parce que quand tu lui mets la pression, sinon, voilà. Mais c'est vraiment parce que. Y a de la, voilà, justement, il y a de la pression. Mais sinon, j'avoue, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Mais encore une fois, quoi. Trop. C'est très bien, mais c'est trop. On le dit, on le dit. C'est cet humour quand même. Hein, c'est après, c'est que ça, donc oui. Le problème aussi que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont sorti énormément de répliques du film. Et du coup, alors ouais, ça me fait sourire parce que je me dis, ah ouais, tiens, ça vient de là et tout. Ah d'accord, c'est à ça qu'ils faisaient référence. Mais il n'y a pas tant de découvertes. Donc, ouais, du coup, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être l'effet un petit peu surcoté du film parce qu'effectivement, tu as des répliques. Et en fait, plus tu en as, plus tu te dis, ouais, ça doit être hyper marrant. Et en fait, quand tu les as dans le contexte, tu fais pas tant en fait. Mais ça fait de vous un homme très cultivé. C'est très très bien. Il faut vous le voir. Vous êtes très culturé maintenant. Ah bah de toute façon. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a un peu de trucs comme ça aussi où ça t'a peut-être un petit peu surcoté l'affaire, le fait que tout le monde... Mais on t'en avait déjà parlé avant. Ah oui, bah ça fait 6 ans que je dois voir le film. Hein, donc, ah oui ouais, bah voilà, c'était l'occasion. Ouais, ça valait le coup, je regrette pas. Par contre, à contrario, je ne regrette pas. Donc voilà, moi je dirais bon départ, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Donc, donc des encouragements. Voilà, bien sûr, des encouragements. Effectivement, Thomas, c'est à vous. Élève assidu. Encouragement. C'est ni plus ni moins des félicitations parce que c'était vraiment le résumé même du paroxysme de l'ère parodie Canal+ où ils faisaient que des parodies à fond et c'est l'ère des nuls. C'est vraiment tout ce que c'était. Oui, parce que du coup, Asenovicius avait déjà fait quelques pubs et tourné quelques vidéos pour les nuls. D'ailleurs, il me semble, alors c'est peut-être une connerie que je vais dire, mais le saviez-tu, la personne qui porte le manteau Les Nuls, l'émission qui marche pour le générique, c'est Asenovicius. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pour moi, je trouve que c'est une ère exceptionnelle et folle qu'avait Canal à cette époque-là, où tu avais des libertés... des libertés incroyables et tu vois c'est le genre de projet que en effet comme vous disiez on pourrait peut-être plus avoir aujourd'hui mais que je trouve fou et comme on le disait aussi intemporel donc moi c'est félicitations, j'aime beaucoup le projet, je trouve qu'on manque de parodie, moi je suis très fan de parodie, j'aime beaucoup ce genre de format et donc ouais, je suis complètement client donc j'aime ce film et j'aime cet élève. J'appuie mon collègue. Très bien, félicitations mais élève assidu. Ça veut dire quoi, assidu? Quelle langue? Ah, d'accord. Eh bien, je vais conclure. Moi, j'hésitais un petit peu entre encouragement et félicitations. Finalement, je donnerai vraiment les félicitations parce qu'effectivement, comme Thomas disait, c'est de la parodie comme il ne s'en fait plus. Là, ce qui se fait en parodie, là maintenant, vraiment, je parle en grand public, c'est le Palmacho et encore, c'est ouais, une fois tous les 3 ans. C'est les derniers qui ont été capables de faire ça. C'est ça, et c'est les derniers qu'on. Ouais, c'est clair qu'on réussit à vraiment marquer le pas, quoi. Parce que sinon, il n'y a pas eu grand monde. C'était vraiment dans les années 90 et depuis, bah, c'est. Après, ça peut être limite de faire ça. C'est assez compliqué. Oui. Oui, pour des acteurs, non pour de l'anime. Les Cassos. Ouais, les Cassos pour moi c'est pas. Ouais, c'est autre chose. C'est pas un détournement. C'est pas un détournement. Ouais, c'est pas de la parodie. Tu t'appropries. C'est autre chose. C'est autre chose. Okay. C'est plus de la satire que de la parodie. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, la parodie, en plus, c'était dans les grandes années Canal, les années où c'était il encule un mouton, c'est marrant. Il a un mouton, c'était bien. Donc moi, j'ai complètement été happé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et je l'ai regardé hier alors que j'étais complètement fracasse. Alors pas bourré, mais j'étais fatigué. J'étais fatigué au possible. Je me suis dit, je vais le regarder. J'ai pas vu l'heure passer, même si c'est vrai que quelquefois, tu peux te dire c'est un petit peu long parce que effectivement c'est que de la vanne et des fois c'est des répétitions, mais pour moi c'est vraiment tout ce qui fait le sel de l'humour absurde. Enfin, il y a un moment donné, tu peux. Enfin, c'est ça qui, moi. Enfin, les animaux préhistoriques par tous heures de droite. Quoi. Oui, mais non, mais c'était parfait. Ça, par contre, j'avoue, non, mais moi, ça m'a. Même ouais. Si je l'ai vu assez tard, ça a déterminé quand même un petit peu un pan de mon humour et tout. Et je fais waouh. Ça reste quand même culte pour moi. Donc, on part sur de bonnes grosses félicitations. Heureusement que t'as pas regardé Roumanoff, on aurait été dans la merde. Ah, c'est clair. On nous dit pas tout, hein. Alors, Emmanuel Macron, un petit peu à droite, à ce qui paraît. Bon, je vais y aller. Hein. Attends, ça fait que commencer. C'est le maximum que je peux faire, vraiment. Eh bien, merci pour cette chronique, merci pour cette émission, les amis. C'était un plaisir d'être avec vous pour cette 105e émission. Nous nous retrouvons bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Ims. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes de streaming, bien évidemment, et même sur YouTube en version audio. Hein, on n'a pas encore la version vidéo. Vaut mieux pas. Voilà, merci. Sauf si vous voulez voir la moustache de... Ça vaut le coup, elle est très bien cette moustache. Et bien du coup, ça ira. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, où on vous poste quelquefois des petits indices sur les émissions qui vont venir et on vous dit un petit peu le sujet de l'émission. Oui. C'est pas toujours des rébus. Ah oui, non, ouais, par contre, on tient à briser quelque chose. Ce n'est pas toujours des rébus, les indices. Donc vraiment. C'est précisé quand c'est un rébus. Donc vraiment, arrêtez, parce que ouais, c'est précisé. Et on embrasse encore notre chargé de com, Maxime, qui chaque semaine nous régale. Bien évidemment. Au départ, lui qui faisait juste un petit stage avec nous, qui au final, il est resté. Il est en CDI. Toujours CDI bénévole, mais CDI bénévole. Quand même. Ça claque, ça. Pas de chômeur. Nous nous retrouvons donc, comme je le disais, la semaine prochaine. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Bisous. Oui, je pourrais, mais d'abord, il faut sucer. Les Anglais ont débarqué, on va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. M'emmerde pas avec tes histoires, je te dis que j'ai mal au bide. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Il faut que j'aille chier, rapidos. Monde de merde. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.